Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 29 mars avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 29 mars 1919, c'est le jour de l'acquittement de Raoul Villain. Stupéfiant verdict qui épargne cet homme jugé quand même pour l'assassinat de Jean Jaurès au Café du Croissant. Donc à Paris, à l'été 1914, oui. Villain est remis en liberté faute de preuves. Ben même pas, puisqu'il n'existe aucun doute sur sa culpabilité. Le coupable a été arrêté juste après son crime. Il a tué Jaurès devant beaucoup de témoins et même il revendique son geste. Seulement, le jury populaire réunis aux assises, répond non à 11 voix contre une aux deux questions clés. 1. Raoul Villain est-il coupable ? Et puis 2. A-t-il prémédité son acte ? Que voulez-vous, les temps ont changé, nous sommes en 1919, la guerre est passée par là, la France victorieuse juge sévèrement ceux qui ont promu la paix, à commencer par Jaurès. C'est le seul moyen d'expliquer, en tout cas de tenter de comprendre ce qui objectivement s'apparente pour le jury à un véritable déni de justice. J'imagine que certains ont dû réagir tout de même. Oui, vous imaginez bien, et d'autant plus que c'est le comble, conformément à la loi, c'est la partie civile qui doit payer les frais de justice, vous imaginez, c'est donc Madame Jaurès qui va devoir régler la note. Le 4 avril, Anatole France en personne écrit dans l'Humanité, le journal fondé par Jaurès, « Travailleurs, Jaurès a vécu pour vous, il est mort pour vous, un verdict monstrueux proclame que son assassinat n'est pas un crime, ce verdict vous met hors la loi et tous ceux qui défendent votre cause. Travailleurs, veillez !» Les jours suivants, des manifestations monstres vont rassembler des dizaines de milliers de personnes pour protester contre ce verdict inouï. Raoul Villain, lui, va préférer prendre la tangente avant de revenir à Paris, mais sous un faux nom. Il se fera de nouveau arrêter pour trafic de monnaie, mais n'écopera que d'une amende. Il était assez... Il était inoxydable, cet homme-là. Il mourra en 1936 à Ibiza, tué par des anarchistes. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, nous consacrerons l'heure aux frères Van Gogh, Vincent et Théo.